Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans Feu de camp. Après une belle pause, Feu de camp revient dans un contexte très particulier. Le confinement lié à l'épidémie du coronavirus vient de commencer et il va falloir remettre en question sa façon d'être chez soi, approfondir ses centres d'intérêt et profiter de cette pause imposée pour découvrir de nouvelles choses. Et pourquoi pas voyager en imagination avec la douce voix d'Alban, ma voyageuse du jour. Pour son anniversaire, elle est partie aux États-Unis avec une amie à elle, à la découverte des grands parcs nationaux américains entre la Californie et le Nevada. Alors installez-vous bien, je lui laisse la parole. Du coup, je m'appelle Alban de Santi, j'ai 30 ans pour le moment, je vis à Paris, je suis régisseuse sur les tournages, j'aime beaucoup la photo et j'aime encore plus les voyages. Du coup, j'ai beaucoup voyagé depuis très jeune en fait, grâce à mes parents. Je partais en voyage scolaire pour apprendre l'anglais et j'ai commencé en 6e. Ma sœur, elle était en 3e, elle. Et donc, chacun, on est parti de notre côté. Elle est partie en Irlande, je suis partie en Angleterre. Et en fait, j'ai trop aimé être loin de mes parents, être avec d'autres jeunes, visiter une autre ville, une autre langue. Et du coup, chaque année, j'ai demandé à repartir dans différents endroits, on va dire, en Angleterre. Et donc, j'avais cette chance-là. Et à côté, mes parents m'ont fait aussi voyager un peu. Alors, j'étais un peu plus grande, mais je suis allée en Côte d'Ivoire, au Mexique avec eux. Tunisie, on a fait pas mal de beaux voyages qui m'ont donné le goût, je pense aussi, à partir de là, de vouloir partir et un peu vadrouiller. J'ai commencé à voyager seule très tard quand même, et en fait vraiment toute seule, sans connaître personne, je l'ai fait qu'à 25 ans, où je suis partie seule à Cuba, sur un coup de tête. Je crois que c'était parce que je vieillissais. Que je voulais pas passer mes 25 ans à Paris, je trouvais ça triste et du coup je me suis dit il faut que je voyage. J'ai toujours voulu aller à Cuba. À force d'attendre que les gens aient l'argent ou l'envie ou le bon timing, tu vas jamais partir, tu vas jamais bouger. Et du coup à partir de là je me suis dit chaque année tu partiras à ton anniversaire et tu iras dans un pays que tu as envie. Du coup j'ai fait Cuba toute seule et après j'ai eu la chance, j'ai enchaîné avec les États-Unis que je devais faire toute seule. Et c'était un peu compliqué l'organisation parce que je voulais pas faire beaucoup de routes toute seule en voiture. Les transports en commun là-bas, c'est pas trop ça non plus pour vraiment aller dans les parcs. Et une amie qui devait partir au Mexique avec des amis, je crois qu'il y a eu un mauvais timing au niveau des dates. Et elle s'est retrouvée toute seule et en fin de compte, elle m'a dit « je suis chaude pour partir avec toi ». Et du coup, ça s'est fait assez naturellement, on a fait un parcours. On a commencé à réserver les hôtels parce qu'on voulait que tout soit booké en amont et qu'on n'ait pas à chercher au milieu du désert un endroit où dormir. On avait organisé un peu du coup en avance parce que moi ça me rassurait aussi, puis ça faisait des dépenses en amont, du coup ça régulait un peu les dépenses sur place. Et de savoir où on va dormir, c'est pour moi en tout cas, c'est un truc à moi à penser. À organiser, à chercher, c'est du temps que tu gagnes, en tout cas pour moi, c'est mon avis. Et donc, toutes les deux, on s'est mis d'accord là-dessus et ça s'est fait assez vite, en fait. On s'est vus deux fois, bon, toute une journée à chaque fois, et on avait booké tout. Alors, le jour du départ arrive. J'ai beaucoup voyagé, donc j'avais pas trop... Moi, j'ai pas peur dans l'avion. Mon amie, ça l'inquiétait un peu, mais franchement, elle s'est bien tenue. Elle s'est bien tenue, elle a pas trop eu peur, en fin de compte. Moi, ma plus grosse peur, c'était plus qu'on s'énerve l'une l'autre à force d'être tout le temps toutes les deux. En fait, on a des amis, mais on n'est jamais 100% du temps avec eux. Donc, on sait jamais est-ce que nos caractères, en fait... vont exploser, est-ce que telle chose va commencer à nous énerver chez l'autre. Donc c'était ça ma plus grosse crainte, et en fin de compte ça s'est très bien passé. En tout cas pour moi, j'espère pour elle aussi, mais... Alors je suis partie de San Francisco, malheureusement j'étais malade, très très très enrhumée, c'est juste que ça fatigue plus, tu dors mal, en plus on était en auberge de jeunesse, donc une première pour moi, ouais. Et ça s'est plutôt bien passé, la ville est sympa. Ça faisait un moment que je faisais une fixette là-dessus. Tout le monde me disait que c'était l'une des plus belles villes, que ça ressemblait plus à une ville d'Europe, parce que j'avais déjà voyagé aux États-Unis. Alors je veux pas choquer personne, mais moi j'ai pas trop aimé New York. Et j'avais déjà fait aussi Chicago, donc c'est des grandes, grandes villes. Et on m'avait dit que ça avait beaucoup plus de charme, parce que réellement les villes américaines n'ont pas non plus énormément de charme, parce qu'il y a moins d'histoire, donc moins d'architecture. Voilà, alors j'ai pas eu un coup de cœur, je me suis pas dit c'est la plus belle ville des États-Unis. Après, je les ai pas toutes faites, mais je me suis pas dit, moi j'aimerais y vivre. On m'avait dit, ouais, tu verras, c'est magnifique, il y en a plein qui voudraient y vivre. Moi, c'est pas du tout mon cas. Elle est jolie, elle est sympa, il y a plein d'endroits mignons, je pense, encore à découvrir. De là à y vivre, non. Et en plus, on partageait du coup notre chambre avec d'autres personnes. Nous, on avait précisé pas mixte. Et en fin de compte, on était avec deux autres garçons qui ont changé au fil de nos 3 jours là-bas et qui étaient un peu crades. Bruyants aussi. Moi, j'ai eu peur qu'il y ait un rapport sexuel dans la chambre à un moment parce qu'il y a une fille qui voulait pas lâcher le mec en pleine nuit. Mais ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de rapport. Mais c'est vrai que l'auberge de jeunesse, c'est tout un concept plus ou moins facile, quoi. Ça dépend des gens, du... Voilà. Après les 3 jours de San Francisco, on avait donc notre tour de parc à faire et on commençait par Yosemite. Et à Yosemite, on a trouvé la neige. Donc on est parti en mars, je tiens à préciser. Je ne m'attendais pas trop à de la neige. Donc on trouve un paysage un peu enneigé avec des grands sapins. Peu de gens, en fin de compte, sur la route. Donc on a bougé, on a fait pas mal de points et à un moment, on s'est dit bon, il va falloir revenir sur nos pas pour trouver la sortie qui nous amènera près de notre hôtel. Donc on cherche la sortie, on la trouve pas. On la trouve pas. On retourne à l'entrée et on leur dit, voilà, on trouve pas telle sortie. Et ils nous regardent et ils nous expliquent qu'en fait, cette sortie a été condamnée à cause de la neige. Donc on dit ok. Et la route du sud, elle nous rallonge de combien, quoi? Et là, il nous dit que ça va nous rallonger de 10 heures. Grosse galère, parce que on savait qu'on pouvait pas faire 10 heures, parce qu'on n'arriverait jamais à temps à l'hôtel. Et on s'est dit, bon, ben, on va commencer à traverser Yosemite vers le sud et chercher un hôtel dans le coin. Donc, on était un peu dégoûtés. Du coup, est-ce qu'on va à Mammoth Lake? Combien de temps on mettrait? Et du coup, est-ce qu'on supprime pas cette étape? Donc... Là, ça a été un peu difficile parce que c'était une étape que mon ami avait très envie de faire, mais qui n'était pas réalisable. Du coup, bah, on était un peu énervés, un peu deg. Et du coup, on a sauté cette étape pour aller direct à Death Valley. Et là, on a mis énormément de temps. On a passé une journée dans une voiture, donc un peu énervé parce qu'un voyage, quand on prévoit bien, c'est 2-3 heures dans la voiture, grosse pause pour visiter le parc et peut-être encore une heure. Après, c'est très beau les paysages, donc c'est vraiment très agréable de conduire, je trouve, aux États-Unis en tout cas. Puis super pour prendre des photos aussi, puisque j'adore la photo. Quand elle conduisait, j'ouvrais la fenêtre et j'en prenais quelques-unes. On est arrivé à Death Valley. Alors, on était bien sûr, du coup, déjà ça faisait 3-4 heures, je pense qu'on était dans la région de Death Valley, j'ai l'impression, parce que c'était désertique, c'était assez montagneux, C'était de la terre, donc je sais pas, j'avais cette impression-là. On arrivait pour trouver l'endroit où on devait dormir, donc c'est jamais très chouette d'arriver dans un endroit de nuit, surtout les petits villages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et l'habitation, donc on l'avait trouvée par un Airbnb, et c'était très atypique. À l'intérieur, c'était un peu asiatique, le salon. La chambre, ils avaient mis du papier peint, comme des grosses pierres, comme si j'étais dans un donjon, avec des tableaux de femmes nues. Et la salle de bain, c'était une baignoire en forme de cœur rouge. Donc super quand t'es en couple, c'est un peu sympa, mais on n'était pas en couple. De jour, au moins on voit le décor. Et derrière, ils avaient une sorte de volaille avec des grands oiseaux, mais un peu à l'air libre, mais vraiment très très beau. Et le petit-déj, saucisse, flageolet, bien pour commencer la journée. Et du coup, on s'est dit, allez, on entame Death Valley. Par là où on est rentré, il y avait une dune de sable, donc on s'est dit, ah, super, et tout, on va se poser, on va se faire plaisir, il y a un peu de soleil, on va prendre du temps. Et en fait, très vite, la température a monté, très très vite. Donc, on crevait juste de chaud. Donc, Death Valley, franchement, j'ai adoré. Il y a plein d'endroits différents, en fait. C'est un parc très différent. Il y a des dunes de sable, il y a des montagnes multicolores. Il y a vraiment beaucoup de points de vue très intéressants. Et on aurait peut-être presque l'impression que ça a été créé sur mesure. C'est un peu un Walt Disney, il y a plein de trucs à voir, quoi. Et pourtant, c'est censé être naturel, donc c'est assez incroyable. Et par contre, on avait prévu une rando, c'était pas bien balisé, et puis moi je lui ai dit on arrête là, on est en heure de pointe, c'est pas raisonnable, on avait une toute petite gourde d'eau, on est retourné un peu sur nos pas, et on a fait le lac, qui est pas un lac, hein, mais un endroit plein de sel, qui était aussi super beau, et il y a un endroit où du coup on a l'impression, je crois que ça s'appelle, non, Artist Palette peut-être. Et en fait, il y a plein de couleurs sur les roches, différentes, rose, rouge, vert, bleu. C'est assez magique. Moi, j'ai trouvé ça super beau. Assez étonnant de passer aussi de la neige. Je ne sais pas les températures, mais on va dire de 5 degrés à 30 degrés, quoi. Et du coup, après Death Valley, c'était Zion Park. Alors, les souvenirs de Zion Park, c'est un parc, je trouve que ça fait assez Afrique, assez beau, assez montagneux. Là, on était parti pour faire une rando. Je précise toujours que je ne suis pas sportive. Bon, ça allait au début, ça allait au niveau respiration, un peu difficile à des moments. Et pas trop de gens. Ça aussi, c'est aussi important. Moi, je trouve qu'on est en pleine nature, c'est de pas être les uns derrière les autres à faire la queue leu-leu pendant qu'on fait la rando, quoi. Alors dans ma tête, je croyais qu'on avait fait toute la balade. On était peut-être à 2/3 de la balade. Et à la fin, c'est une rando assez difficile où en gros, on monte dans les montagnes et ça devient escarpé. Et il y a juste une chaîne en métal pour se tenir. Alors on a le vertige toutes les deux, Charlotte et moi. On s'est dit, allez, tout le monde le fait, on y va. Peut-être que j'en rajoute et que je l'ai vécu comme ça, mais il y avait vraiment le vide à côté. Donc Charlotte a fait une petite crise parce qu'elle est plus sensible à ça. Et elle s'est bloquée, elle n'a plus bougé et elle s'est assise. Puis je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on redescende? Elle me dit, je vais le faire, je vais redescendre, mais toi continue si tu y arrives. Elle a l'air de réussir à descendre, les gens l'aident. Je me dis, allez, je vais continuer, je suis une folle. Clairement, je ne suis pas une folle. Et je me retrouve à un point, et là, je me rends compte qu'en fait, en face, il y a une montagne. Elle me paraît très très loin, et que tout là-bas, les petits points, c'est des gens qui montent, et que c'est la continuité de la rando. Et je me dis, non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Déjà, sportivement, voilà, seule, encore plus difficile. Et c'est vrai que le vertige, il y avait même plus de chaîne, je crois, à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est déjà bien ce que j'ai fait. Je suis fière de moi, je vais rebrousser ce chemin. Bon, on était contente quand même de cette aventure et de se dire qu'on l'a fait, même si on n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Donc après Zion Park, on est allé à Bryce Canyon. Là, on a retrouvé la neige. Paysage très beau, roche un peu orange, orange-rouge. Et avec la neige blanche, tout de suite, c'est merveilleux. Et il y a des pics, euh, des pics qui sortent du sol, comme des petites montagnes, mais c'est plus des pics. Et c'était très beau vu d'en haut. Et après, il y a des randonnées qui menaient vers le bas. Mais au début, on s'est dit, allez, on fait tout le tour en vu d'en haut. Et demain, on descend dans la vallée. Et puis, moi j'angoissais un peu parce que les remontées, c'est toujours un peu dur quand tu descends. Tu sais que tu remontes. Donc, le premier jour, tranquille, puisqu'on avait fait aussi pas mal de voitures. On fait tout le tour à pied. Et puis là... une tempête de neige, impossible de continuer parce que déjà on se voyait plus. Donc je me suis amusée à prendre des photos où on voit Charlotte et rien derrière parce qu'on voyait même plus le vide. Un brouillard assez incroyable. Donc bon, on est rentré à la voiture et on s'est dit bon, le parc est tellement grand qu'il y a une partie qu'on peut faire en voiture. On a commencé à le faire, mais on voyait pas les points de vue, donc plus très intéressant de descendre de la voiture puisque tu vois plus rien. On l'a quand même fait pour dire on l'a fait, mais voilà, c'était plus très intéressant, donc on s'est dit qu'on allait reporter au lendemain. Le lendemain, ça allait, plus de neige, plus de tempête. On est descendu dans la vallée, c'était un autre point de vue, donc aussi, tout aussi joli, mais vu d'en bas. Très sympa de passer entre les rochers. Et là, le plus dur, ça a été la remontée, parce qu'en fin de compte, on n'avait pas prévu, mais la remontée était... à l'ombre, donc gelée. Et moi, à la fin, j'étais à quatre pattes pour essayer de grimper. Il y avait heureusement beaucoup de gens à chaque point. Ils nous ont tendu les bras pour nous aider parce qu'on partait en arrière, quoi. mais tout le chemin avant était génial. Du coup, il y avait beaucoup de soleil. Donc la roche, elle ressort mieux, la neige. C'est assez merveilleux, moi, je trouve. J'ai beaucoup aimé les parcs. Je trouve qu'il y a toujours ce côté... seul face à la nature, la grandeur, puis se dire que c'est là depuis bien bien longtemps, bien avant l'homme aussi, bien avant l'homme, non, bien avant moi surtout. On a dormi sous la tente, alors heureusement l'endroit était très beau aussi, il y avait un tipi au loin, des grandes montagnes, rouges aussi, et des sacs de couchage bien chauds, et la salle de bain en dur. Du coup je vais sauter un peu Antelope Canyon, alors Antelope Canyon c'était super chouette. C'est tenu par des Indiens. Après, je sais pas si vous voyez, c'est là où il y a des roches multicolores. On est dans un gouffre, en fait. Alors, moi, j'étais un peu déçue. On l'a visité à 11h30. Je trouve qu'il y avait déjà beaucoup trop de soleil. Donc, je trouve que les nuances de dégradé se voyaient beaucoup moins. Donc, Antelope Canyon, c'est assez beau. Après, c'est assez triste dans le sens où, quand on a cherché à manger, il y avait beaucoup de fast-food un peu plus loin. Ça va peut-être paraître cliché, mais... Ils étaient très, très, très obèses, tous ceux qui étaient dans le fast-food, et c'était tous des Indiens. Je pense que leur culture leur a été petit à petit enlevée, et même s'ils essayent de la garder, je pense que... Alors, après, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup d'obèses, mais du coup, la belle Indienne qu'on imagine et le beau Indien d'Amérique, c'était pas trop ça. Mais j'ai l'impression que dans tous les pays, c'est un peu ça. J'ai eu ça aussi en Australie où la plupart des gens du bush, ceux qui vivaient là au tout début et qui ne veulent pas vivre obligatoirement en ville, et la plupart étaient tombés dans l'alcoolisme, quoi. Et c'est pas facile, je pense, quand t'es pas adapté à une société, le temps de s'adapter, ça prend beaucoup de temps et t'as beaucoup de dérives. Du coup, voilà, pour revenir aux États-Unis, c'était un peu triste, j'ai trouvé. Après, on a fait Monument Valley. Donc là, c'est encore tenu par eux, par les Indiens. Et ce qui est beau là-bas, donc là, c'est les roches plutôt rouges, des montagnes aussi. En plus, avec un peu de neige, tout de suite, c'était pas enneigé du tout, mais il y avait de la neige qui tombait du ciel, donc il y a un peu ce côté magique. Et puis quand il n'y a personne, c'est encore plus magique. T'arrêtes la voiture au milieu du chemin, tu sors, tu fais 3-4 pas. C'était aussi très très beau, j'ai trouvé. Après, c'est beaucoup plus petit, mais ça donnait aussi un autre paysage et assez beau. Et du coup, après ce parc, on avait pris encore un endroit où dormir sous la tente. Alors là, sous la tente, c'était dans un désert. J'avais l'impression que c'était un no man's land, un endroit où tous les gens exclus de la société vivaient. Donc il y avait des caravanes, mais comme l'espace est très grand, du coup, des toutes petites routes qui ne sont pas des rues, on était face à aussi une grosse pauvreté. Et du coup, là, on arrive... et on n'était pas sûr de l'endroit parce que ben, du coup c'est un peu nulle part. Et il y avait une sorte de maison qui commençait un peu à être construite, mais vraiment de briques et de broc, quoi. C'est pas une vraie maison, quoi, une cabane, on va dire. Et donc il nous explique qu'à cause de la tempête, ben, il y a eu un petit problème avec la tente, elle s'est un peu abîmée parce que du coup, ben, malheureusement, il n'y a pas de beaucoup d'endroits pour protéger du vent puisque c'est dans un désert. Et du coup, la tente a été un peu abîmée, mais que voilà, il a eu le temps de la réparer. Donc il nous parle beaucoup, il nous explique d'où il, pas vraiment d'où il vient, mais un peu son parcours, que ça fait un moment qu'il est sur Airbnb. Il y avait deux tentes. Il nous montre la salle de bain. Donc là, ça a été difficile parce que c'était du coup juste deux tentes, un peu comme les tentes pour se changer. Donc une douche solaire, donc clairement pas d'eau chaude. Il avait fait une sorte de... Le soir, il a fait un feu de camp. Il avait plein de chiens. Il avait 5 ou 6 chiens. Ma copine, au début, avait peur des chiens. Mais ça s'est super bien passé. Il y avait des chiots, des bébés. Un peu magique, le ciel étoilé bien sûr, puisqu'il n'y a rien pour gêner, pas de nuages, rien. Et le feu de bois, je crois qu'il y avait ça avec un baril, il y avait un baril, peu importe. Mais vraiment très sympa, il nous avait fait du thé. Et donc on a passé un peu la soirée avec lui. Il nous disait que justement, il était en train de construire sa maison, mais que ben il avait du mal, il travaillait, mais qu'il avait du mal à joindre les deux bouts. Qu'il avait acheté ce terrain en pensant pouvoir planter un potager, bon, et que clairement c'était pas possible parce que c'était pas de la bonne terre, qu'il savait pas trop quoi en faire et qu'il avait besoin d'argent et qu'en même temps ben, il s'était retrouvé bloqué, donc il avait justement proposé du Airbnb et avait mis deux tentes. Et lui il dormait dans la cabane qui était vraiment... c'était un abri de jardin, quoi. On aurait même pas, parce que je suis pas sûre qu'il ait été du tout fini, je sais même pas s'il avait des fenêtres. Il vivait à la rude, quoi. On sentait que c'était pas... que lui, ça lui allait, qu'il était bien aussi un peu loin de la société, on va dire, qu'il aimait bien aussi se rendre là, mais que c'était pas facile tous les jours pour joindre les deux bouts, quoi. Il avait mis 3-4 couvertures, et malgré tout, moi, j'ai pas réussi pratiquement à dormir, j'ai jamais eu autant froid, j'ai découvert des parties de mon corps, j'avais froid aux genoux. Bon, pour faire rire les gens, j'avais mis mon bonnet au niveau de mes fesses parce que j'avais froid aux fesses. Mais réellement, l'expérience était très magique. Malgré tout, il y a des très bons souvenirs qui en sortent, même si j'ai pas réussi à dormir. C'était aussi quelqu'un d'atypique qu'on n'aurait pas eu la chance de rencontrer si on n'était pas passé par là. Donc, et très très chaleureux. Le matin, il nous avait fait, je crois, des œufs. Bon, il nous avait fait le petit déj qui était aussi très très bon. Donc après, on a enchaîné, c'était avec Grand Canyon. Donc Grand Canyon qui est très connu. Il n'est pas plus beau que les autres parcs. Moi, j'ai trouvé qu'il était très beau, hein. Mais les autres parcs avaient autant de mérite que celui-là. Et malheureusement, celui-là, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de touristes, alors qu'on était hors saison. Impossible de se retrouver vraiment seul. Mais il y a eu quand même aussi des moments merveilleux dans le Grand Canyon. On est tombé sur des orignales, je crois que c'est des orignales. En fait, on ne savait pas vraiment ce que c'était. On nous en a parlé un tout petit peu à l'entrée quand on a demandé quel chemin on pouvait prendre, quelle rando était ouverte ou pas. Et à un moment, on nous avait dit, il y a des animaux sauvages, il ne faut pas trop s'en approcher, faites attention à vos distances. Réellement, avec tout ce monde, on n'a pas vu beaucoup d'animaux sauvages. Jusqu'au moment où on est tombé sur des grands orignaux, peut-être, ou orignales. Ça ressemble à un énorme cheval mélangé à un cerf, on va dire. Puis ça se fond un peu dans la nature, on se promène, puis ma pote, elle me dit « Arrête, bouge plus !» Je dis pas pourquoi... Bon, au bout de 2 minutes, j'ai compris, elle m'a montré qu'en fait, il y avait des énormes orignaux qui étaient là, et ils étaient en train de brouter, ils étaient tous ensemble, n'avaient pas du tout peur de nous, on est tombés dessus, on était vraiment très très proches. Donc assez impressionnant, mais tant que tu les déranges pas, ils font leur vie. Donc on a continué notre chemin. Et puis on est retombés dessus, un peu plus loin. Et là, encore plus impressionnant, il y en avait un qui montait presque à un arbre pour essayer d'attraper les feuilles. Donc tout dressé, assez impressionnant. En fait, c'est assez énorme. Et on avait dit qu'on terminait après Grand Canyon sur Las Vegas. Parce que, pour vous rappeler, je m'étais dit que chaque année, je partais ailleurs pour mon anniversaire. Et du coup, c'était pour mes 29 ans. Et on s'est dit, allez, on va à Las Vegas, on va faire la fête. on va dans une ville où voilà, c'est connu pour ça. Alors, on n'est pas des... Alors, moi, je suis clairement pas une grosse fêtarde, mais voilà, c'est un endroit où il faut passer, c'est une grosse ville, on s'était dit, allez. Et puis, en plus, on n'a pas tous les jours 29 ans, on va dire. Je ne sais plus combien d'heures de route on avait, mais on arrive vers 16h et puis on tombe sur un grand mall. Et on se dit, allez, on va faire du shopping, parce que clairement, on n'en avait pas fait. On avait fait, à part San Francisco, on n'avait pas retrouvé de grosses villes. Donc, on s'est fait bien plaisir. Donc, après avoir fait 2 heures de magasin, on décide de rentrer d'aller à l'hôtel. Donc là, conduire dans une grande ville, compliqué. Et puis là, tu rentres dans l'hôtel et t'as des machines à sous. Tu sais pas où est l'accueil. Tu sais pas comment ça fonctionne. Très très bizarre. Et des bornes pour t'enregistrer, en fait. Voilà, c'est tout est démesuré, tout est grand. On va dire, on avait l'air de provincial qui sortait de nulle part, quoi. On arrive à notre chambre, gigantesque. Assez haute, donc une grande vue. C'était assez beau. Beau parce que c'était de nuit, je pense, clairement. Sinon, c'est moche. Donc voilà, on se dit, allez, on se repose un tout petit peu, puis après, on va en ville. Et alors là, plein d'éclairages. Vegas, en gros, ça regroupe tous les monuments, tous les trucs beaux qu'on peut trouver un peu... Alors, moi, je dirais plus en Europe. Donc, t'as un hôtel qui ressemble à Paris avec une tour Eiffel, t'as un hôtel qui ressemble plus à Venise, donc il y a des gondoles. C'est super bien fait, clairement, c'est super bien fait, mais la tristesse réside dans... C'est un endroit que de jeu et de paraître, alors de drogue et de prostitution, ça va être un peu cash. Il y avait déjà des gens bourrés à 20h, des enterrements de vie de garçons, des filles à moitié nues qui étaient des prostituées, des racoleurs pour... Allez, prends une limousine et viens dans ma boîte de nuit de striptease. Donc, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de gens perdus. Nous, on ressortait d'un endroit où il y avait de la nature, des parcs, la grandeur de la nature, quoi. Et pour moi, ça a été très dur. Du coup, j'ai pas du tout apprécié Vegas. Ça a été trop radical. J'avais pas prévu que ça me fasse ça. Après, c'est Vegas, en fait. C'est du fake. Alors, ça va être radical, mais c'est mon point de vue, un peu de pire en l'homme, quoi, tous ces vices, quoi. Les gens qui passent leur journée devant une machine à sous, qui sont accros, ceux qui veulent aller en boîte de striptease, et ceux qui sont aussi SDF, parce qu'il y en a beaucoup à Vegas. Et ça, on l'a vu assez vite, parce que du coup, on allait au resto, et en fait, ça commençait déjà à fermer un peu partout. Alors qu'on pensait que c'était une ville de la nuit. Alors c'est une ville de la nuit, mais je pense pour les boîtes de nuit, quoi. Du coup, beaucoup de choses ferment, donc l'ambiance change. Et clairement, c'était plus du tout la même ambiance. Il y avait des vieux de 50 ans, tout seuls, le regard dans le vide, ou qui mataient des meufs. Je sais pas comment dire, c'était vraiment un peu plus malsain. Mais ça m'a un peu choquée, je pense, de passer de la ville à la campagne, et de la campagne à la ville. Ma pote, elle a aimé. Donc clairement, ça dépend des goûts de chacun. Et le lendemain, on est parti, puis on s'est un peu promené en voiture. Mais très vite, il n'y a plus rien. En fait, il y a le street et après... Et c'est le désert, en fait. Parce que Vegas, c'est entouré du désert. Donc c'est ça aussi qui est un peu choquant. C'est que bah, toute cette lumière aussi non-stop, ça ne s'éteint pas. Hein, toutes ces lumières, toutes ces fontaines, ces trucs, tout se paraît, quoi. Et du coup, le lendemain matin, on s'était dit, bon, il faut rendre la voiture propre. Et du coup, on s'était dit, allez, on va aller au Karcher à 6h du mat. Bon, pourquoi ? Je ne sais plus pourquoi on s'est dit si tôt, mais notre avion devait être à 15h. Et là, le GPS nous dit, ben, il y a un raccourci par là, prenez-le. Sauf qu'il pleuvait des cordes, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il pleuvait des cordes, et en fait, au bout de 2 minutes, même pas... La voiture ne veut plus avancer. On s'arrête. Il faisait nuit noire. Et on se rend compte qu'en fait, on est embourbé. Et du coup, on se dit, bon, allez, on appelle la dépanneuse. Donc, on appelle et ils nous disent, OK, pas de souci, vous aurez quelqu'un d'ici 1 heure. On attend, rien. Puis, elle ne vient pas. Du coup, on rappelle. Elle nous dit, oui, d'accord, mais ils ne vous ont pas trouvé. Donc, on va renvoyer quelqu'un, mais ils ne vous trouvent pas. On est au milieu du chemin, on ne pouvait pas être plus visible. Et malheureusement, personne n'arrive. Ma pote commence à péter un câble. Et du coup, elle les rappelle. Et là, on comprend qu'en fait, ils viendront pas nous dépanner. Et on dit qu'on est sur une route dentaire. Et ils nous disent que c'est pas pris par la science. Donc, ils nous dépanneront pas. Et on dit, bah attendez, vous comprenez pas, en fait, on va pas... soit on abandonne la voiture là, soit vous nous dépannez, quoi, on va pas... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc là, on rappelle la dépanneuse et on dit combien ça nous coûterait si vous venez directement nous chercher. Donc là, ils nous ont dit une somme, je crois que c'était 150 $. Du coup, pas la joie. Du coup, ma pote, et elle est sortie de la voiture et elle est restée au moins une heure dehors à attendre qu'ils nous trouvent. Et au loin, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je vois une voiture, une dépanneuse. Et je vois qu'elle avance, je vois qu'elle avance. Et elle s'arrête au milieu. Je vois ma pote au loin qui va la voir et puis qui monte dans la dépanneuse et qui repart. Et là, je fais « Ok !» Alors, Charlotte vient de se faire kidnapper. Comment on va faire ? Voilà, elle a mes chaussures, je suis bloquée ici. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, plein de choses me passent par la tête. Et puis, j'attends encore 20 minutes. Et une deuxième dépanneuse arrive. Et je vois qu'il y a Charlotte dans la deuxième dépanneuse qui est montée. Et puis, je vois qu'eux aussi s'embourbent un peu, quoi. Et il m'explique qu'en fait, la première dépanneuse qui est arrivée, elle n'était pas assez costaud pour venir jusqu'à nous parce qu'elle risquait de se faire embourber. Du coup, ils ont pris une deuxième dépanneuse et même la deuxième dépanneuse, je la voyais bien quand elle a essayé de nous tirer qu'elle aussi s'embourbait à moitié, quoi. Ils ont tiré 300 mètres pour 250 $, voilà, la voiture. Ça a été un peu dur à encaisser le prix. Et là, ça devenait de plus en plus compliqué parce qu'il était déjà midi, quoi. Et du coup, on devait rendre la voiture. On avait encore 2 heures de route. La voiture était d'un dégueu. Pas possible. Notre avion, à tous les coups, on était à 2 doigts de le louper. Voilà, l'angoisse. Et du coup, on arrive à l'aéroport. Heureusement, là, on a eu un coup de chance. C'est allé assez vite. Après, on a couru avec nos affaires. Et tout s'est bien passé. On avait presque même de l'avance. Mais l'angoisse, en fait, de... ça a été vraiment atroce, la fin du séjour. Gros stress. Et puis ça s'est bien terminé, quoi. On a réussi, on est rentré en France et tout s'est bien terminé. Mais voilà, on a eu pas mal de mésaventures entre la nourriture, la voiture, le temps, la neige. Mais c'était un beau voyage, j'ai beaucoup aimé. Après, d'un point de vue politique, je crois pas que j'y retournerai tant qu'il y a ce président. Maintenant, il y a tellement d'endroits à visiter, j'essaye d'aller dans les endroits où politiquement ça peut aller. Où j'adhère, où c'est pas quelqu'un extrême, même la situation de la femme, ce qui se passe, quoi. Et réellement, Trump, c'est horrible à dire, mais de mon point de vue, j'adhère pas du tout à ses idées. Du coup, je veux pas aller dans un pays comme ça, quoi. Je veux pas aider ce pays à avoir de l'argent. Alors, c'est pas énorme, hein, je pense pas que c'est moi qui fasse la différence, mais si j'ai pas les mêmes idées, ben non. Bon, alors c'est depuis peu, hein. C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de beaux pays à faire que ben c'est vrai que comment trier, ben c'est un des tris, moi je trouve. Voilà, c'est ça, c'est un peu compliqué de savoir si c'est bien ou pas bien, mais je me dis voilà, si je trouve que la population à certains moments sont en danger, non, je veux pas y aller. Mais réellement, les États-Unis, il y a tellement de choses à visiter, à voir, même si si c'est pas du tout architecturalement intéressant peut-être, en tout cas pour moi. Je trouve qu'il y a tellement de beaux paysages. Mais à ce qui paraît, on aurait beaucoup de paysages aussi en France. C'est très très beau. Donc maintenant, peut-être que je vais me concentrer un peu plus sur l'Europe. Et du coup, le retour a été... C'est vécu plutôt bien parce que j'avais fait Vegas et que ça m'avait déjà assez traumatisée. Traumatisée, c'est un bien grand mot, mais ça m'avait assez déçue. C'est vrai qu'il y avait cette nécessité, je conseille, après un parc... de finir quand même par une ville, parce que si tu vis dans une ville, ben le retour est un peu violent. Ça allait, parce que je crois que j'ai une semaine tranquille, puisque je suis intermittente, j'ai des moments où j'enchaîne pas avec le travail. Donc j'ai le temps de me reposer, de trier mes photos, de regarder, de raconter à tout le monde mon voyage. Donc ça s'est plutôt bien passé, le retour. Ça m'a aussi permis de savoir ce que j'aimais voir aussi dans mes voyages. Même si je m'en doutais un peu, je me suis dit, en fait, j'aime pas voyager spécialement dans les villes. J'aime la nature, j'aime les parcs, j'aime l'immensité et je trouve très vite les villes pas très intéressantes. Alors, pourtant c'est intéressant au niveau culture et tout, mais j'ai besoin justement de changer de quotidien. Paris, c'est bon, c'est du béton, j'ai pas besoin de retourner dans une autre ville bétonnée, quoi, je connais. Et puis tu retournes dans le train-train assez vite, en fait. Après, la chance que j'avais de rentrer à Paris, c'est que l'architecture est belle malgré tout. Même si c'est du béton, il y a quand même des beaux trucs à voir quand tu lèves les yeux. mais je préfère quand même la nature. Le voyage, moi, je pense que ça peut être assez important. Moi, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée. Déjà, à être moins timide, à me valoriser plus, à me dire, bah, tu vois, tu peux le faire, tu vois, tu y arrives. À voir d'autres choses aussi, voir comment ça se passe dans certains pays, leur culture, l'accès à la culture, ben, aussi leur façon de vivre. Pauvreté, pas pauvreté, leurs moyens de transport, c'est des trucs tout bêtes, mais de comparer chaque pays, c'est assez intéressant aussi. Alors maintenant, encore plus quand je suis adulte, parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai conscience, que j'avais pas conscience quand j'étais jeune. Mais c'est vrai que je pense que le voyage, c'est très important. Après, je me rends compte, maintenant en vieillissant et en ayant pas mal voyagé, qu'il y a certains paysages que tu peux retrouver en France et qu'en... Alors, on dirait que je vais faire la promotion de la France. Je me suis rendu compte que j'avais pas visité la France, en fait. Que j'avais beau être allée à l'autre bout du monde, je connaissais pas la France. Alors ça va faire très parisien. Hein. Mais oui, il y a des villes, je savais pas où les placer sur la carte. J'étais jamais allée à Lyon, ni à Bordeaux, ni à... Il y a plein de villes que j'avais jamais faites. Et alors là, je parle de villes, mais autour des villes, il y a aussi plein d'endroits sympas. Je trouve que en fin de compte, parfois dans son pays... il y a des bonnes ressources, il y a des belles choses à voir et qu'on y passe à côté à vouloir aller trop loin. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, que dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on peut trouver plein de belles choses ailleurs, en fait, et dans un espace restreint. Alors ça, c'est la beauté du paysage et tout. Après, la culture, c'est sûr que tu peux plus en prendre conscience en voyageant, mais rien que de parler à des gens différents dans un même pays, tu peux apprendre plein de choses, quoi. Faut juste un peu... Bah, parfois se pousser pour aller vers les autres, quoi. Mais je suis toujours accro au voyage et j'ai toujours envie d'aller loin. Mais ouais, le voyage, je pense que ça t'apporte toujours quelque chose, que ça soit en France, dans ta région ou à l'autre bout du monde. Déjà, ça te donne un peu un sentiment de liberté, une confiance en soi. Et puis, tu rencontres d'autres personnes, donc ça t'ouvre obligatoirement à d'autres cultures ou à d'autres manières de vivre. Et ça te fait toujours rencontrer des gens... Toujours apprendre des choses, ça t'apprend toujours des choses sur toi-même et sur tes capacités aussi, quoi. C'est que tu peux y arriver seul, que tu peux t'en sortir, tu peux dormir dans ta voiture, tu vas pas en mourir. Les plans galères, souvent c'est ce que tu retiens le plus d'un voyage, en fait. Parce que on a tendance à retenir le négatif, hein, c'est vrai. Mais c'est aussi c'est une aventure, en fait. Et le voyage, c'est l'aventure. Voilà. Merci à Alban pour son récit rempli d'humilité et de douceur. En ces temps de crise, il est important de partager ses recommandations culturelles, notamment en lecture et vidéo. Quitte à être chez soi, profitons-en. Alban vous recommande le magazine Flo, que j'ai moi-même eu l'occasion de feuilleter, et au-delà d'être très inspirant, c'est un très bel objet en lui-même. Ce n'est pas un simple magazine. La mise en page et la qualité du papier sont très soignées, et les sujets qu'il aborde, tels que la slow life, les artisans et le bien-être, me paraissent essentiels dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Elle poursuit en vous recommandant la chaîne YouTube Les Artisans de Demain. Camille et Iliès voyagent ensemble depuis plus de 2 ans dans leur 4x4 en autonomie. Ils ont traversé l'Afrique et découvrent maintenant l'Asie centrale. À travers leurs vidéos et leur page Instagram, ils partagent leurs voyages et leurs rencontres pour essayer de transmettre leurs valeurs et inspirer le plus grand nombre. Enfin, Alban vous recommande le livre du Leek, de May Quicking, en espérant ne pas écorcher ses noms. L'auteur livre une cartographie du bonheur dans différents pays du monde. Il étudie les facteurs de bonheur en matière d'argent, d'éducation, de famille, de travail ou encore d'égalité homme-femme, livrant des clés pour apprendre à être heureux. Un livre très utile pour remettre en question son propre quotidien et ses propres buts. Merci à Alban pour ce récit et les belles ondes qu'elle nous transmet. Il est maintenant l'heure de finir l'épisode. J'espère qu'il aura pu vous faire voyager quelques dizaines de minutes et vous faire oublier ce confinement pas toujours évident. Malgré tout, n'oubliez pas que plus il sera respecté, moins il sera long et les dégâts importants. Prenez-le au sérieux. Comme beaucoup, j'adresse tout mon soutien aux gens qui se battent dans les hôpitaux, soignants, malades, agents d'entretien et tous ceux qu'on ne voit pas. Et également tous ceux qui nous permettent de nous nourrir sans difficulté, tous ces acteurs de la grande distribution qu'on oublie un peu, je trouve, dans tout ça. De mon côté, j'essaie de vous préparer rapidement un nouvel épisode. Alors à très vite pour un nouveau feu de camp.